Méchant patron 2, du réalisateur Sean Enders, en version française et en version originale anglaise. Ah, salut Nick. Le gars qui m'a sauvé la vie, le gars qui a sauté ma femme. Ah, ce n'était qu'une... Chut, laisse-le. Ok, tais-toi. Désolé. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Dites-lui salut de ma part. Vous êtes des criminels. Vous avez essayé de tuer vos patrons, et là, vous vous apprêtez à faire un enlèvement. Ça marche pas à tous les coups, voyons. Vous êtes les criminels les plus cinglés que je connais. Vous voulez faire ce coup-là? Ayez l'air vrai. Ok. Ah, ça c'était embarrassant. On essaie de marcher de façon super cool au ralenti. T'en fais pas, man. Relax, non, non, c'est terminé. Allons-y. Débile mental, cette idée. Salut les gars. T'as essayé sur une chaise de dentiste? Qu'est-ce que tu dirais de préparer la chaise? Pendant ce temps-là, j'irai au petit coin en vitesse. Tu sais, tu peux le faire sur moi. Eh bien, c'est un numéro. Et alors? Turn down for what? Diplomatie, du réalisateur Volker Schlöndorff, en version originale française. L'Europe était à feu et à sang. On allait tous y laisser sa peau. Les Alliés avaient débarqué et avancé sur Paris. Les Allemands voulaient tout détruire, tout raser. Spécialement Paris. L'explosion des ponts va provoquer une crue spectaculaire de la Seine. Continuez, monsieur Lambin. 5 minutes après les ponts, la cathédrale Notre-Dame, l'opéra, rien ne résistera. Volonté du Führer. Pourquoi tenez-vous tant à détruire cette ville, monsieur le gouverneur? Nous ne sommes pas à vos affaires, monsieur Narling. Détrompez-vous, si on ne m'avait pas demandé d'entrer en contact avec vous ce matin, je dormirais encore sans me douter de rien. Comme tous ces gens que vous apprêtez à tuer dans peu de temps. Vous pouvez arrêter de parler, de gesticuler sans arrêt. Ce sont des civils pour qui cette guerre est une aberration et qui n'ont jamais commis le moindre forfait contre vous. Parmi toutes celles qui vont périr, combien y a-t-il d'enfants qui ont l'âge des vôtres? Vous y avez réfléchi? Laissez-vous! J'étais nommé à Paris pour rétablir l'ordre et j'ai l'intention de faire bien davantage. Et que comptez-vous faire exactement? Je les écraserai tous, vous m'entendez? Tous! Je me suis trompé sur vous, général, et sur moi. J'ai cru qu'en venant ici, je pourrais vous dissuader de faire une chose aussi folle, mais... Ainsi, nous ne verrons plus ce dôme. Nous ne verrons plus le Louvre ni la place de la Concorde. Nous ne verrons plus ces enfants jouer dans les parcs. Et les deux tours de Notre-Dame. Tout doit disparaître pour toujours. Et vous l'avez... Aucun remords. Non. Mais quel homme êtes-vous donc? Gemma Bovary, de la réalisatrice Anne Fontaine, en version originale française. Ça fait 7 ans que je suis revenu en Normandie, que j'ai repris la boulangerie paternelle. J'ai cru trouver ici l'équilibre et la tranquillité. Vous êtes anglais? Yeah, I am your voisin. And this is Gemma Bovary, husband of Charlie. Oh, this is France, Charlie. Oh. L'équilibre et la tranquillité, c'est raté. Il y a des Anglais. Devinez comment ils s'appellent. James Bond, McDonald's. Bovary. Lui, il s'appelle Charles. Et elle, Gemma. Ici, en Normandie, la même où Flaubert a écrit son chef-d'œuvre. Moi, je préfère la princesse de Clem. Moi, quelle veux-tu dire? J'aimerais mieux que tu te drogues plutôt que d'entendre des conneries pareilles. Les gens, ils pensent que la vie à la campagne, c'est merveilleux, mais il y a énormément d'antidépresseurs à la campagne. Oui? Oui, ou alors il y a le calva. Vous voulez goûter? It's strong.